êtes sur RIS. Il est exactement 8h30. Pour la diffusion de tous vos communiqués, composez le 05 90 80 38 40. Et retrouvez vos communiqués sur l'antenne à 6h30, 8h30, 12h30, 18h30 et 20h30. 5 rendez-vous avec les communiqués sur votre radio. Interschool, partenaire de l'établissement français du sang de la Guadeloupe, il n'existe pas de produit capable de se substituer complètement au sang humain. Le don du sang est donc irremplaçable et indispensable pour sauver une vie. Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 500 000 malades. Donner son sang, c'est donner la vie. Où donner son sang cette semaine? Tous les jours, suivons donc l'itinéraire du camion du centre de transfusion sanguine. C'est tout pour nos communiqués. En diffusion sur votre antenne 5 fois par jour, nos rendez-vous 6h30, 8h30, 12h30, 18h30 et 20h30. Bonne écoute de la suite de nos programmes. Collège Gaston Calmé, de Grandbeau, de Marie-Galante. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Gina, je suis en terminale au lycée Hyacinthe Bastaro de Marie-Galante. Et tu es venue aujourd'hui ici pourquoi? Donc je suis venue ici pour interpréter l'extrait de Désirada de Maryse Condé, paru en 1997. Alors on t'écoute avec plaisir, Gina. Désirada, mon île, elle m'appelle sans cesse cette île. Elle est là, tout près, dans la chaleur de l'air, dans l'odeur du sel, du sucre, du rhum, des fruits tropicaux. Il n'y a pas d'odeur pareille, celle qui enivre, qui te fait perdre la tête. C'est l'île des enfants et des vieux, l'île de la mer, des vagues et des palmiers, mais aussi de l'oubli et du silence. Le silence des blessures, des secrets enfouis sous la terre brûlante, des histoires que les anciens murmurent dans l'ombre des cases créoles. Ici, la mémoire flotte dans l'air, légère et pesante à la fois. Ce n'est pas une mémoire joyeuse, mais une mémoire qui se serre le cœur. L'île a ses douleurs, ses guerres, ses luttes invisibles, que les vagues effacent et que le vent emporte. Mais c'est aussi l'île des sourires éclatants, de la chaleur humaine, des vagues bruyantes et colorées. C'est le contraste de tout ce qui nous habite, des larmes et des rires mêlés, des ombres et de la lumière. La mer a des secrets, mais elle les cache dans ses eaux profondes. Elle ne raconte jamais tout. Et pourtant, tout est là, dans cette brume douce, dans le souffle du vent, dans les pas des ancêtres. Désirada, mon île, elle nous porte et nous fait souffrir. Elle est la terre du monde et celle de nos rêves brisés. Mais elle est aussi la promesse d'un retour, d'un salut, d'une renaissance. Collège Gaston Calmé, de Grandbeau, de Marie-Galante. Collège Gaston Calmé, de Grandbeau, de Marie-Galante. Bonjour, je m'appelle Soussaint Maya et je suis du collège Gaston Calmé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un animateur talentueux qui a su captiver le cœur de nombreux spectateurs avec son charisme et sa passion. Il a su allier divertissement et information. Sans plus attendre, nous allons plonger dans son parcours, ses inspirations et les coulisses de son métier. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir tout le monde qui a écouté l'émission là. J'espère que vous êtes satisfait quand même, mais sous ses animations, et quand même c'est le pied, on fait tout ce qu'on peut pour afin de que les personnes qui soient présentes soient au top, d'être bien au top. Depuis quand avez-vous découvert cette passion pour l'animation? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque j'étais un petit peu plus jeune, à l'âge de 26 ans, comme il y avait radio qui était Radio Marie-Galante, qui était sous...